إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc nous entamons inshallah un nouveau cours concernant l'ouvrage Kun Salafiyan ala al-Jadda du Cheikh Abdus Salam al-Suhaimi hafidhahullah ta'ala. Et nous sommes toujours dans le 8e point. Et nous sommes arrivés à la citation, troisième citation. Il nous dit, Hafidhahullah, thalithan, troisièmement, qa'idatun fi anna madara ad-din ala al-ilmi an-nafi' wal-amali as-salih. Donc, la règle qui nous présente là le cheikh, elle consiste à que la religion, toute la religion, tourne autour de deux points. Tourne autour de deux points. La science bénéfique et la bonne action. On apprend et on applique. On apprend la science légiférée, la science qui est bénéfique, qui est un bien pour toi et qui est utile pour toi dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et cette science, elle est suivie de sa mise en pratique. Et la mise en pratique de cette science légiférée, ce sont les bonnes actions, les bonnes œuvres. Inna din al-islam madaruhu ala al-ilm an-nafi' wal-amal as-salih. Donc, la religion de l'islam tourne autour de ces deux points qui sont la science bénéfique et les bonnes œuvres. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والصلاح منحصر في نوعين في العلم النافع والعمل الصالح. Donc شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله dit et la vertu se retrouve dans deux points. Elle est concentrée en deux points. L'une qui est la science bénéfique et l'autre qui est les bonnes œuvres. وَقَدْ بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِأَفْضَلِ ذَلِكَ. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, a envoyé notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec le meilleur de cela. Wa huwa al-huda wa dinul haqq. Et c'est la guidée et la religion de vérité. Li yudhhirahu ala ad-din kulli. Pour qu'il lui donne prééminence sur toute religion. Fal huda, et la guidée donc c'est العلم النافع. La guidée, c'est la science bénéfique. ودين الحق العمل الصالح. Et la religion de vérité, c'est les bonnes œuvres, la bonne action. انتهى. Là se termine la citation du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah رحمه الله. وقال رحمه الله. Et Ibn Taymiyyah رحمه الله dit aussi dans un autre endroit. فأهل السنة والجماعة المتبعين للسلف الصالح لا يتكلمون في شيء من الدين إلا تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا للكتاب والسنة. Donc il dit rahimahullah, et les adeptes de la sunna et du consensus, ceux qui suivent les pieux prédécesseurs, ne parlent dans la religion qu'en suivant ce avec quoi est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne font en cela que suivre le livre d'Allah et la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَأَمَّا أَهْلُ الْبِدَعِ فَلَا يَعْتَمِدُونَ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَآثَارِ السَّلَفِ الصَّالِحِ وَإِنَّمَا يَعْتَمِدُونَ عَلَى الْعَقْلِ وَاللُّغَةِ وَالْفَلْسَفَةِ. Et concernant les adeptes de l'innovation, eux, ils ne s'en remettent pas au livre, à la sunna et au récit des pieux prédécesseurs, mais plutôt ils s'en remettent à la raison, à la langue et à la philosophie. Ça, c'est la règle de base. De base, Ahlus Sunnah, ils ne parlent dans la religion d'Allah qu'en s'argumentant dans le Coran et la Sunnah. Et ils parlent avec le Coran et la Sunnah. Ils parlent avec la tradition du prophète alayhi salatu wassalam. Ils sont soumis aux textes religieux. Les gens de l'innovation, eux, la base de leur argumentation, c'est le suivi de la passion, c'est de retourner à la raison en la prenant comme base, comme balance de jugement, en retournant directement à la langue. Bien qu'on a besoin de retourner à la langue, mais la signification linguistique, ce n'est pas elle la base. La base, c'est le sens voulu dans le Coran et dans le Sunnah selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Donc, de retourner aux significations linguistiques, ce n'est pas la première façon de s'argumenter. Ça ne vient qu'après certaines étapes. Et ils s'en remettent aussi à la philosophie. Et lorsque vous les voyez s'argumenter ou essayer de s'argumenter avec des versets ou des hadiths, c'est qu'après avoir eu leur opinion, lorsqu'ils ont eu leur opinion qui découle de l'argumentation par la raison, par le suivi de la passion, par l'argumentation de la langue, par l'argumentation de la philosophie, c'est qu'après qu'ils cherchent dans les textes coraniques et dans les hadiths ce qui va défendre ou prouver ou légitimer leur opinion. Donc le principe même, il est faux et il est erroné. Rabi'an, quatrième point, qa'ida, une règle qui dit inna dar al mafasid muqaddam ala jalb al masalih. Ça, c'est une règle très importante. Et combien se sont perdus en s'argumentant avec cette règle, car ils n'avaient pas la capacité, ils n'avaient pas les moyens d'appliquer cette règle. Ce n'est pas n'importe quelle personne qui l'applique et ce n'est pas n'importe comment qu'on applique cette règle. Qu'est-ce qu'elle dit cette règle ? De repousser le mal prévaut sur le fait d'amener un bien. Dans la vie de tous les jours, parfois, on est confronté. Il est demandé d'aller chercher le bien et de faire le bien. Et il est demandé de s'éloigner de tout mal. Mais parfois, on est confronté à des problèmes qui font que si on va chercher ce bien, va en découler un mal. Ou alors, si on va faire tel mal, il peut en découler un mal plus grand. Donc les ulama ont été mis cette règle. Ce n'est pas parce que tu veux ramener un bien que tu le fais à tout moment. Parce que parfois, agir ainsi peut ramener un mal qui est plus grand. Le fait de vouloir repousser un mal, eh ben, va en découler un mal plus grand que celui que tu as voulu repousser. Donc, il te sera demandé de laisser ce mal-là parce que tu es dans une situation qui fait que si tu vas le pousser, ça va te faire entrer dans un mal encore plus grand. Donc, c'est un peu délicat, mais tous, on le vit plus ou moins. Mais parfois, ce sont des questions qui touchent toute la communauté qui est en dedans. Et des gens entrent dans l'application de cette règle alors qu'ils ne l'ont pas les moyens ni la capacité. Et c'est ce que le Shir va expliquer. Et il va expliquer pourquoi et quelle est la preuve comme quoi cette règle, elle existe. Donc, la règle, en premier lieu, le titre, c'est de repousser un mal prévaut sur le fait d'amener un bien. Et la preuve de l'existence ou du côté où que cette règle elle est bien légiférée, il y a premièrement qawluhu ta'ala, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa la tasubbu alladhina yad'una min dunillah fayasubbu Allah adwan bighayri ilm. Dans le sens du verset, Allah nous dit « Et n'injuriez pas, n'insultez pas les idoles, les divinités qu'ils adorent en dehors d'Allah, car cela les poussera à insulter, à injurier Allah sans connaissance. » Vous avez vu ? D'insulter ou d'injurier les idoles, les divinités qui fait que les gens sont tombés dans le plus grand mal qui est le polythéisme. En faisant cela, tu ne fais que montrer ton amour pour Allah subhanahu wa ta'ala et que tu n'es pas d'accord et que tu désavoues tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Mais cet amour et cette bonne intention ne suffit pas parce que les personnes en face de toi, s'ils t'entendent insulter leur divinité, eh ben ton action va les amener à faire quoi? Eh ben en réponse à ton insulte, ils vont insulter Allah. Et tu es pratiquement la cause pour laquelle ils ont insulté Allah. Et insulter Allah est une gravité. Donc, pour ne pas avoir ce grand mal, tu délaisses cette action-là. De même, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'un d'entre vous n'insulte pas ses parents. Les compagnons ont dit, ô messager d'Allah, mais qui d'entre nous insulte ses parents? Qui oserait insulter ses parents? Il a dit, l'un d'entre vous, après une dispute, insulte les parents de son adversaire et son adversaire en arrive à insulter ses parents. Donc, quand lui, il a commencé à insulter les parents de l'autre, eh ben, il a poussé l'autre à insulter ses parents. Et de ce fait, il en est responsable. Donc, non seulement cela est interdit, mais en même temps, tu l'as poussé à insulter tes propres parents. Donc, le prophète a dit, n'insultez pas vos parents. Parce qu'en cela, tu en es la cause. Taïb. Concernant ce verset, l'auteur nous dit, فَحَرَّمَ اللَّهُ سَبَّ آلِهَةِ الْمُشْرِكِينَ مَعَ كَوْنِ السَّبِّ غَيْظًا وَحِمْيَةً لِلَّهِ. Donc, Allah a interdit d'insulter, d'injurier les divinités des associateurs. Alors qu'en cela, la personne, elle montre son amour, sa jalousie pour son Seigneur, pour Allah. Comment se fait-il qu'on ait donné des associés à Allah ? وَإِهَانَةً لِآلِهَتِهِمْ. Et en même temps, c'est une humiliation de leur divinité. Quand tu vas les injurier, tu humilies et tu montres ce que méritent ces divinités. Mais pourquoi ? Les kaunihi dhari'atan, إلى سبهم لله تعالى إلى سبهم الله تعالى car cela est un moyen pour les amener à insulter Allah. Donc tu ne le fais pas. وكان مصلحة ترك مسبة الله تعالى أرجح من مصلحة سبنا لآلهتهم. Et le bien qu'on va gagner en délaissant l'insulte d'Allah faite par les associateurs, c'est un bien bien plus grand que le bien qu'on va gagner en insultant leur divinité. Donc, pour gagner ce grand bien, on délaisse ce petit bien. Thaniyan, deuxièmement, وَجَاءَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض الحديث متفق عليه. Dans ce hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, d'après la mère des croyants Aïcha radiallahu anha, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ô Aïcha, ça a eu lieu après la conquête de la Mecque, après la prise de la Mecque, après que la Kaaba fut nettoyée de tout ce qu'il y avait comme idole, statue à l'intérieur et aux alentours. Ça y est, la Kaaba a été purifiée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Aïcha, pour lui expliquer l'état de la Kaaba, il lui dit, oh Aïcha, si ton peuple n'était pas tout frais dans l'islam, n'était pas tout nouveau dans l'islam, j'aurais ordonné qu'on détruise la Kaaba. Et j'aurais ordonné qu'on la reconstruise comme elle était à l'époque d'Ibrahim alayhi salam, sur les mêmes bases. Parce que la Kaaba, vous voyez comment elle est. Et c'est le cube et il y a un petit demi-cercle sur l'un des côtés qu'on appelle Al-Hijr. Là, c'est le carré, c'est la Kaaba. Là, il y a la porte, là, il y a la pierre noire. Là, il y a l'angle yéménite. Et ici, entre ces deux angles, il y a un demi-cercle qu'on appelle Al-Hijr. Et lorsque vous faites le tawaf, vous tournez la circumambulation autour de la Kaaba, il est interdit de passer entre le mur de la Kaaba et le demi-cercle qu'on appelle Al-Hijr. Mais il faut contourner Al-Hijr. Pourquoi ? Parce qu'on vous dit que Al-Hijr fait partie de la maison, fait partie de la Kaaba. Donc la vraie taille de la Kaaba, ça va de la pierre noire jusqu'à la fin de Al-Hijr. Jusqu'à la fin de Al-Hijr. Mais dans l'histoire, la Kaaba, il lui est arrivé d'être détruite. Et parfois, les habitants de la Mecque qui la reconstruisaient, ils avaient assez de pierres ou soit ils n'avaient pas assez de pierres. Mais ils connaissaient les limites de la Kaaba. Et à l'époque du prophète sallam, c'est l'époque où la Kaaba elle a été diminuée, où il y avait le hijr. Donc le prophète sallam, il prend la Mecque avec les musulmans. Et il est le chef de la communauté musulmane. Et il est le prophète d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais, vu la situation, vu que les musulmans sont tout frais dans l'islam, tout nouveau dans l'islam, détruire la Kaaba, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il conquit la Mecque et il détruit la Kaaba. Et la Kaaba, elle a une place dans leur cœur. Donc, ils ne vont pas comprendre. Pour cette raison, pour ne pas qu'il y ait de confusion, le prophète a délaissé. Mais il a dit à Aïcha son intention. Il a dit à Aïcha son intention. Donc, il dit, oh Aïcha, si ton peuple n'était pas tout nouveau dans l'islam, ou ça ne fait pas très longtemps qu'ils ont quitté l'époque pré-islamique, j'aurais ordonné de détruire la Kaaba et d'y introduire ce qui en a été sorti. C'est la partie qui manque. et j'aurais fait que la Kaaba, le mur de la Kaaba, il touche directement la terre. Parce que vous avez vu le bas de la Kaaba, comment il est ? Il y a comme un petit mur qui penche comme ça. Qui penche comme ça. Donc, tout c'est le bas de la Kaaba. Il aurait fait en sorte qu'il va directement au sol. فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى مَعْنَ هَذِهِ الْعَقَاعِدَةِ. Alors là, dans ce hadith, il y a une preuve bien explicite qui vient prouver cette règle. J'aurais voulu faire ça, mais puisqu'il y a telle situation, je le délaisse. إِذْ تَرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مصلحة بناء البيت العتيق على أسس إبراهيم عليه السلام لدرء مفسدة خشي وقوعها إن هو هدمه وبناه عليها. Car le prophète sallam a délaissé le bienfait de reconstruire la demeure antique, le Kaaba, sur les fondements d'Ibrahim عليه السلام, pour éloigner un mal qu'il a craint qu'il arrive si lui avait détruit la Kaaba et l'avait reconstruite. Donc, ce mal a prévalu sur le bien. Donc, de repousser ce mal a prévalu sur d'amener un bien. وَهِيَ نُفُورُ النَّاسِ عَنِ الْإِسْلَامِ. Et quel est ce mal ? C'est d'éloigner, de faire fuir les gens de l'islam. Ou alors que ceux qui se sont convertis apostasient et quittent l'islam à cause de cette action. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم درء هذه المفسدة على جلب تلك المصلحة. Donc le prophète sallam a fait prévaloir l'éloignement de ce mal sur le fait d'emmener ce bien. Troisième point, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكف عن قتل المنافقين. Le prophète sallam s'est retenu de tuer ou de combattre les hypocrites. Vous savez tous qu'à Médine, pas à la Mecque, parce que la présence des hypocrites, c'est lorsque les musulmans sont forts. Lorsqu'ils sont faibles, les gens, ils montrent ce qu'ils sont réellement. Mais lorsque les musulmans sont forts, les gens, par crainte, par peur, ils dissimulent. Et ils font apparaître ce qu'ils ne sont pas. Donc à la Mecque, il n'y avait pas. Contrairement à ce que disent les chiites, qu'Allah les punisse et leur donne la punition qu'ils méritent. Ils disent qu'il y avait déjà de l'hypocrisie à l'époque de la Mecque. Mais le sunna, ils disent non, l'hypocrisie n'a eu lieu qu'à Médine. Donc à Médine, au sein des musulmans, il y avait une partie de personnes qui étaient hypocrites. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'informe. Et Allah l'informe de l'état de ces gens. Et Allah connaît la réalité de ces gens. Même s'ils viennent et ils disent, nous croyons en Allah, nous croyons en toi, au prophète d'Allah. Comme ces bédouins aux alentours de Médine qui viennent et qui veulent prouver qu'ils sont croyants. Allah révèle le Coran. قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. Les Bédouins ont dit, nous avons cru. Dit, vous n'avez pas cru. Mais dites seulement que vous êtes musulmans. Et la foi n'est toujours pas entrée dans votre cœur. De même qu'Allah a révélé une sourate sur les hypocrites. Et Allah dit dedans, إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُوا إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ. Lorsque les hypocrites viennent à toi, ils disent, nous témoignons que tu es le messager d'Allah. Mais Allah sait que tu es son messager. Et Allah témoigne que les hypocrites sont menteurs. Donc il y avait ce groupe d'hypocrites. Et à la tête de ce groupe, il y avait un homme qui s'appelait Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. C'était le maître et le chef des hypocrites. Et lui, il était enragé contre le prophète et les musulmans. Parce que avant l'immigration, il devait devenir le roi de Médine. Il devait être déclaré roi de Médine. Et la venue du prophète lui a coupé ce statut. Donc, il a fait apparaître l'islam pour nuire les musulmans de l'intérieur. Mais Allah subhanahu wa ta'ala en informe son prophète, alayhi salatu wa salam. Et le prophète les a pris selon ce qu'ils font apparaître. Ils font apparaître l'islam. Il les a, dans ce bas monde, il leur a donné les droits des musulmans. Tant qu'ils n'ont pas fait quelque chose pour lequel il y a une sentence, ils sont considérés comme des musulmans, mais le prophète les connaît. Et avant de mourir, alayhi salatu wa salam, il restait encore des hypocrites vivants. Et le prophète a donné leur nom à un compagnon. Hudhayfa ibn al-Yaman, celui qui garde le secret du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit, voilà la liste des hypocrites. Et Hudhayfa ne l'a jamais cité à quelqu'un. Lorsque vient le califat de Omar, radiallahu anhu, Omar interpelle Hudhayfa et lui dit, je te questionne sur la liste que t'a donnée le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, je ne te la donne pas. Il lui a dit, non, tu ne me donnes pas leur nom. Est-ce que moi j'en fais partie? Subhanallah, regardez. Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'informe qu'il est au paradis. Omar, vous connaissez combien de vertus il a. Et il est le deuxième calife de l'islam. Et avec ça, il craint pour sa personne. Et là, Hudhayfa lui dit, tu n'en fais pas partie, mais je ne répondrai plus à personne après toi. C'est simple, s'il répond à tout le monde, tout le monde saura c'est qui les hypocrites. Donc non, pourquoi? Parce que le mal qui va en découler, il est plus grand. Et c'est ce qu'on va voir. Parce que le mal qui va en découler, il est plus grand. Parfois, les gens, on les entend parler. Pourquoi il ne fait pas ça? Pourquoi il n'y a pas ça? Oui, parce que toi, avec ta petite tête, ta petite compréhension, ta petite intelligence, ton petit raisonnement, ton petit niveau de science, tu parles ainsi. Mais tu ne sais pas ce qui t'échappe comme connaissance. Et c'est pas, beaucoup de gens, on les voit parler et s'avancer dans des choses parce qu'ils veulent une réponse. Et ils pensent que les personnes agissent contrairement à la vérité. Mais en vérité, c'est eux-mêmes qui ont jugé. Alors, est-ce qu'ils étaient en droit de juger? Est-ce qu'ils avaient la capacité de juger? Et ça, dans beaucoup de questions, on le retrouve. Subhanallah. Donc, quelqu'un pourrait se dire, pourquoi le prophète, il connaît les hypocrites? Et il n'y a pas de confiance en eux. Et à tout moment, ils peuvent faire un mal. Et il les laisse. Il les laisse en paix. C'est pour des raisons bien valables. Alors que dire lorsqu'on ne le sait même pas qui est hypocrite? Encore moins on agira. Encore moins on fera quelque chose. Subhanallah. Parce que nous, à notre stade, on peut douter sur une personne. Mais de dire que lui, exactement ce qu'il est, c'est avec son Seigneur qu'il le sait. Subhanahu wa ta'ala. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, le prophète lui reçoit la révélation et Allah l'informe. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est retenu de combattre ou de tuer les hypocrites. Alors qu'en vérité, si on regarde bien, il y a un bien là-dedans. Au moins, on se libère d'un mal qui est entre nous, dans nos rangs. C'est un bien, mais il l'a délaissé ce bien. Pour pas que ça soit une cause qui ferait fuir les gens. Puis, les ennemis de l'islam, les mécréants, les polythéistes, en arriveront à dire quoi ? Mohammed est en train de tuer ses compagnons. Parce que de l'extérieur, les gens ne connaissent pas. Vous êtes une seule communauté, vous êtes les mêmes. En fin de compte, votre chef, il est en train de vous tuer. Celui qui voudrait aller les rejoindre, regarde ce qui se passe. Ça ferait fuir les gens. Pour ne pas tomber dans cela, dans ce mal, il a délaissé. Le prophète, alayhi salatu wassalam. Rabi'an, quatrième point. Nahyuhu, sallallahu alayhi wa sallam, an qatli l'umara wal khuruj ala l'a'imma. Wa in zalamu ma aqamu s-salah saddan li dhari'ati l-fasad l'azim wa sharri l-kathir. L'interdiction du prophète sallam de tuer ou de combattre les gouvernants, les sultans musulmans, tant qu'ils accomplissent la salat, même s'ils sont injustes, même s'il y a du mal en eux. Pourquoi ? Quelle est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous interdit de se soulever, de combattre, de lever l'épée contre le gouvernant musulman ? Pour quelle raison ? Les gens diront, mais il y a un mal en lui, il fait du mal, il est injuste. Mais pour quelle raison ? Parce que ce qu'il va en découler, il est encore plus grand. Donc pour ne pas tomber dans le grand mal, tu patientes sur ce mal-là. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'interdit. Ce n'est pas légitimer le mal. Parce que les gens, regardez comment ils comprennent. Tu dis, voilà ce qu'a dit le prophète. Ils te disent, ah donc tu es d'accord avec le mal qu'il y a. Ah, tu es d'accord avec l'injustice qu'il y a. Ah, tu es d'accord avec telle action qu'un tel a fait. Subhanallah. Vous avez vu la compréhension des gens ? Ils ne regardent pas plus loin que le bout de leur nez. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'il a mis comme règle l'interdiction, c'est qu'il y a un bien, bien plus grand dedans. Le fait de ne pas agir ou de ne pas se soulever contre les gouvernants musulmans. فَإِنَّهُ حَصَلَ بِسَبَبِ قِتَالِهِمْ وَالْخُرُوجِ عَلَيْهِمْ أَضْعَافْ مَا هُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ مُنْكَرْ. Car ce qui a découlé des soulèvements et des combats à leur encontre, il est bien plus grand encore que le mal qu'il y avait au début. La communauté musulmane, en son sein, elle était tranquille. À l'époque d'Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, puis vient l'époque de Omar al-Khattab, radiallahu anhu, puis il y a l'assassinat de Omar, radiallahu anhu. Et Omar était la porte. Omar, c'était la porte face à la fitna. Et si cette porte, elle est cassée, eh bien, la fitna restera jusqu'à la fin. Et c'est ce qu'il y a eu avec la mort de Omar, radiallahu ta'ala anhu. Puis vient l'époque de Uthman, radiallahu anhu. Et les gens, certaines personnes, commencent à se soulever. Pourquoi ? Parce qu'ils voient des agissements, ils voient des choses. Ils les interprètent avec les données qu'ils ont, avec l'ignorance qu'ils ont, et ainsi de suite. Et ils disent, Uthman est injuste. Wal'iyadhu billah. Ils disent, Uthman, en fin de compte, il amasse les richesses pour lui et sa famille. Uthman, il donne le pouvoir à des membres de sa tribu. Et ça, certaines personnes, et jusqu'à maintenant, les gens acceptent ce genre de discours. Et les gens sont attirés par ce genre de discours. Et ils aiment écouter cela. Et ils croient que c'est une vérité. Jusqu'à qu'ils en sont arrivés à mentir et à trafiquer des documents en disant que c'est Uthman qui les a écrits, c'était faux. Wal'iyadhu billah. Jusqu'à qu'ils ont réussi à encercler la maison de Uthman et à assassiner Uthman, radiyallahu anhu. Et tous ceux qui ont participé à ça sont tous morts assassinés, un par un, subhanallah. L'action qu'ils ont accomplie, ils l'ont subie. Puis vient l'époque de Ali, radiyallahu anhu, et on se soulève contre Ali, radiyallahu anhu. Et Ali, il est assassiné, radiyallahu anhu. Et le mal de ces soulèvements et de ce qui s'est passé, on le vit et on le subit jusqu'à nos jours. Depuis ces époques-là jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que ça a ramené à la communauté ? que du mal. Et les ulama, en étudiant l'histoire islamique, ils disent que tous ceux qui se sont adonnés à ce genre d'action, ils n'ont ramené que du mal dans la communauté. Wal'iyadhu billah. Donc, il y a du mal. Tant que le gouvernant il est toujours au sein de l'islam, l'interdiction de se soulever contre lui. Qu'est-ce qu'un soulèvement ? Ce n'est pas seulement prendre une épée et puis sortir. Parce qu'il y en a, ils sont assis, ils ne bougent pas de leur chaise. Mais ce sont des maîtres dans le soulèvement. Ils parlent, mais leurs paroles sont la cause des soulèvements. Et ceux-là, les ulama, on les appelle khawarij, c'est ceux qui sortent contre. Ils disent que ceux-là qui sont assis et qui poussent et encouragent à ceux-là sont pires et plus dangereux que ceux qui se montrent et qui prennent les devants dans le soulèvement. Celui-là, il est apparent, on le voit très bien. Mais celui-là, il montre qu'il est tranquille, mais en vérité, c'est lui qui allume un peu la mèche de tout. Ces soulèvements. Wallahu al-musta'an. Et combien sont-ils ? Et dans notre époque même, on le voit dans tel ou tel ou tel pays, et on voit le grand mal qui en a découlé. Wal'iyadhu billah. Donc, pour ces raisons et d'autres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, vous patientez. Si on a omis de vous donner vos droits, on a été injuste envers vous, demandez votre droit à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais vous, acquittez-vous de vos devoirs. Le droit des autres, tu t'en acquittes. Ça, c'est un problème de l'être humain. L'être humain, il cherche que ses droits. Et il s'invente même des droits des fois. Mais le devoir, non, c'est pas trop son problème, ça. C'est les droits, les droits, les droits, les droits, les droits. Comme il dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, l'être humain, de par son injustice, de par son ingratitude, il prône des droits jusqu'à en arriver. Wal'iyadhu billah, qu'Allah nous en préserve. À prétendre qu'Allah a été injuste envers lui et qu'Allah ne lui a pas donné tous ses droits. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Pourquoi Allah il donne à un tel et moi je mérite plus que lui ? Ça veut dire que tu enseignes à Allah ce qu'il ne sait pas. Subhanallah. Et combien tombent dans ce genre d'idées ? Wallahu al-musta'an. Donc, au lieu d'appliquer ce que l'islam te demande, sois satisfait de ce qu'Allah t'a donné. Et ne jalouse pas les autres dans ce qu'Allah leur a donné. Qu'Allah il leur ajoute. Mais toi, ça ne t'empêche pas de demander à Allah de te rajouter. Et tu demandes à Allah de te donner. Mais tu es satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Tayyib. وَالْأُمَّةِ فِي بَقَايَ تِلْكَ الشُّرُورِ إِلَى الْآنِ. Et la umma, la communauté, elle vit dans les restes de ce mal jusqu'à nos jours. De tout ce qui s'est passé auparavant, comme contradiction avec la sunna du prophète sallam, comme soulèvement, comme combat, comme tuerie, et ben le résultat, les conséquences de toutes ces actions-là, on les retrouve jusqu'à nos jours. قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. Le prophète sallam a dit, lorsque il est fait allégeance à deux califes, tuez le deuxième ou le dernier d'entre les deux, parce que le droit d'autorité il est au premier, celui au premier auquel on a prêté allégeance. Celui qui est venu après, il est venu contrer l'autorité du premier. Donc, sa sentence, c'est qu'il soit condamné. Sadden les ali'atil fitna. Pour fermer la porte au trouble et à la discorde. Intaha mulakhasan min kalami Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Donc là, se termine la citation de la parole de Ibn Taymiyyah en résumé. ويقول شيخ الإسلام ويقول شيخ الإسلام بعدما ذكر جملة من الفروع المندرجة تحت قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وأنه إذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم الأرجح منهما على المرجوح. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dit, après avoir cité certaines branches qui découlent de cette règle, qui est le fait de repousser le mal prévaut sur le fait d'amener un bien, et après qu'il ait cité que lorsque se confrontent d'amener un bien et de repousser un mal, prévaut sur les deux celui qui est on est sûr de l'avoir. قال رحمه الله il dit رحمه الله ومنها أن من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة. Il dit رحمه الله et il y a que parmi les fondements des gens de la sunna et du groupe, il y a le fait de rester regroupé, de rester unis. La communauté doit rester unie. وترك قتال الأئمة et de délaisser le combat des gouvernants. أي أئمة الجور. Ici, quand on dit les gouvernants, il est voulu les gouvernants injustes. Les gens, en général, s'ils considèrent le gouvernant comme étant juste et bon, il n'y a pas d'utilité d'aller à son encontre. S'il se soulève, c'est parce qu'il le voit injuste, il le voit mauvais. Donc, il y a l'interdiction de le faire. وَتَرْكِ الْقِتَالِ فِي الْفِتْنَةِ Et il nous a été ordonné de ne pas participer dans les combats lors de troubles et de discordes. وَجِمَاعُ ذَلِكَ دَاخِلٌ فِي الْقَاعِدَةِ الْعَامَّةِ فِي مَا إِذَا تَعَارَدَتِ الْمَصَالِحُ وَالْمَفَاسِدِ Et tout cela pourquoi ? Parce que ça entre dans la règle générale lorsqu'il se confronte le fait d'amener un bien ou de repousser un mal. والحسنات والسيئات lorsque se confrontent les bonnes actions et les mauvaises actions. أو تزاحمت فإنه يجب ترجيح الراجح منهما. Donc lorsque se confrontent ces points-là, alors on se doit de vérifier, de voir qu'est-ce qui prévaut sur l'autre. Est-ce que c'est de repousser tel mal ou alors d'amener tel bien? Est-ce que c'est d'agir ou de s'abstenir? فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد. Lorsqu'il y a confrontation entre le bien et le mal. فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له. Donc, dans l'ordre et l'interdiction, on regardera ce qui va amener un bien ou ce qui va repousser un mal. فإن كان ما يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به. Donc si cette action-là, elle va nous faire perdre un bien ou elle va nous ramener un mal plus grand, alors on n'appliquera pas cet ordre-là. بل يكون محرما. Mais plutôt ce sera interdit. إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته. Si on voit que son mal sera bien plus grand que son bien. واعتبار, ça c'est un point important. واعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة. Et le jugement des degrés du bien ou du mal, on le verra et on pourra le connaître qu'avec la balance de la législation. La balance de la législation. On regarde exactement ce que dit la religion là-dessus. Non pas on fait un cercle et puis chacun ramène son opinion. Moi je pense et puis lui il pense et l'autre il pense. Et puis on regarde c'est qui le plus grand nombre qui veulent telle ou telle opinion. Non. En premier lieu, on regarde quoi ? La position des choses par rapport à la religion. Par rapport à la religion. Qu'est-ce qu'elle dit la religion ? Est-ce que vraiment telle chose est un bien? Est-ce que vraiment telle chose il est un mal? Et puis, donc c'est la première étape. وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما بل إما أن يفعلوهما جميعا أو يتركوهما جميعا لم يجوز أن يؤمر بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر بل ينذر. Et c'est pour cela que concernant une personne ou un groupe de personnes qui regroupent dans l'action entre un bien et un mal. En même moment, ils sont dans un bien et un mal. Et on ne peut dissocier entre les deux. À ce moment-là, on ne pourra pas leur ordonner seulement de faire le bien ou leur interdire ce mal jusqu'à qu'on regarde bien la question. Car peut-être dans leur l'ordre, ils vont tout délaisser. Ils vont tout accomplir, le bien et le mal. Et dans l'interdiction, ils vont tout délaisser, le bien et le mal. Car on ne peut le dissocier entre les deux. Donc à ce moment-là, on se doit de bien réfléchir et de bien regarder. فَإِنْ كَانَ الْمَعْرُوفُ أَكْثَرْ أُمِرَ بِهِ حَتَّى لَوْ اسْتَلْزَمَ ما هو دونه من المنكر ولا ينهى عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه. Donc, et si on remarque que le bien qu'il y a, il l'emporte sur le mal, et que le mal donc il est en dessous de ce bien, donc on leur ordonnera de faire ce bien, même s'il y a ce petit mal. Et si l'interdiction de ce mal, et on ne pourra leur interdire le mal si ce mal, en le stoppant, en l'arrêtant, enlève un bien qui est encore plus grand. لِأَنَّ النَّهِي يَكُونُ حِينَئِذٍ مِنْ بَابِ الصَّدِّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالسَّعِي فِي زَوَالِ طَاعَتِهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ وَزَوَالِ فِعْلِ الْحَسَنَاتِ. Car leur interdire à ce moment-là, c'est un moyen de les éloigner du chemin d'Allah, de les éloigner d'accomplir l'obéissance d'Allah et de son messager, et aussi faire disparaître l'action, d'agir avec des bonnes actions. وَإِنْ كَانَ الْمُنْكَرْ أَغْلَبْ نَهَا عَنْهُ حَتَّى لَوْ اسْتَلْزَمَا فَوَاتُ مَا هُوَ دُونَهُ مِنَ الْمَعْرُوفِ. Mais si c'est le mal qui l'emporte sur ce bien, alors on leur interdira ce mal, même si au final, il n'y aura pas cette bonne action. Pourquoi? Parce que le mal, il l'emportait dessus. وَيَكُونُ الْأَمْرُ بِذَلِكَ الْمَعْرُوفِ الْمُسْتَلْزِمْ لِلْمُنْكَرِ الزَّائِدْ عَلَيْهِ أَمْرًا مُنْكَرًا. Et cet acte bien qui était rattaché à ce grand mal, à ce moment-là, eh ben, cet acte bien est un mal en lui-même parce qu'il est rattaché à un grand mal. Et le garder, c'est un moyen d'amener à la désobéissance d'Allah et de son messager. أما لو تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان فلا يؤمر بهما ولا ينهى عنهما. Mais si le bien et le mal se valent, ils sont égaux en degré, et on ne peut les dissocier, alors à ce moment-là, on n'ordonnera pas cette action et on ne l'interdira pas. Ni on l'ordonne, ni on l'interdit. Fataratan yasluh al-amr. Pour cette situation-là, parfois, il se peut que d'ordonner, ce soit un bien. Wataratan yasluh al-nahi. Et parfois, il se peut que d'interdire soit le mieux. Wataratan la yasluh al-amr wa al-nahi. Et parfois, il n'est ni bien ni de. Il n'est pas bien ni d'ordonner ni d'interdire. وَحَيْثُ كَانَ الْمَعْرُوفُ وَالْمُنْكَرْ مُتَلَازِمَيْنِ وَذَلِكَ فِي الْأُمُورِ الْمُعَيَّنَ الْوَاقِعَةِ. Et ceci concerne lorsque le bien et le mal sont ensemble, indissociables. On ne peut séparer, les séparer. Et que ce soit dans des situations bien précises. À un moment bien précis. Une situation bien précise. Hein, c'est ça qui touche tout le discours qu'on est en train de faire depuis tout à l'heure. « Wa amma min jihati an-naw' fa yu'maru bil ma'ruf mutlaqan wa yunha 'anil munkar mutlaqan » Mais concernant les actions en eux-mêmes, généralement, on ordonne le bien et on interdit le mal. Mais là, on est dans des situations bien précises où le bien et le mal sont indissociables. Et là, on regarde, est-ce que le bien l'emporte ou est-ce que c'est le mal qui l'emporte, qui est le plus grave, qui a le dessus. Puis, on a des situations où ils se valent en degré, comme on a vu en détail. وفي الفاعل الواحد والطائفة الواحدة يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرها. Et d'un point de vue général, concernant la personne qui agit ou le groupe de personnes qui agit, eh ben ces personnes ou cette personne, on lui ordonne le convenable et on lui interdit le blâmable. ويحمد محمودها ويذم مذمومها. Et leurs actions, lorsqu'elles sont bonnes, elles seront louables. Lorsqu'elles sont mauvaises, on les désapprouvera. بحيث لا يتضمر لا يتضمن الأمر بمعروف فوات أكثر منه أو حصول منكر فوقه. De sorte que le fait d'ordonner un bien ne doit pas comporter le délaissement d'un bien bien plus grand ou ne doit pas amener à tomber dans un mal plus grand. ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول ما هو أنكر منه أو فوات معروف أرجح منه. De même que l'interdiction du blâmable et du mal ne doit pas amener à un mal plus grand et ne doit pas faire disparaître ou faire tomber un bien qui est plus grand. ومن هذا الباب. Et dans ce chapitre, إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي بن سلول وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لما له من أعوان. L'acceptation du prophète sallam qu'il y ait au sein des musulmans Abdullah ibn Ubay ibn Salul, le chef des hypocrites, et ses amis parmi les grands hypocrites et les grands de la perversité. Hein, donc ce groupe-là, il les a acceptés, le prophète sallam. Pour quelle raison? Parce que ils ont des aides. Ils peuvent faire du mal à la communauté. Donc, pour atténuer, diminuer ce mal, le prophète sallam les accepte. فَإِزَالَةُ مُنْكَرِهِ بِنَوْعٍ مِنْ عِقَابِهِ مُسْتَلْزِمَةٌ إِزَالَةَ مَعْرُوفٍ أَكْثَرٍ مِنْ ذَلِكَ يُغْضِبُ قَوْمَهُ وَحَمِيَّتَهُمْ. Donc, le fait d'en arriver à le punir ou à lui faire un quelconque mal, cela amènera à quoi? À faire disparaître ou à faire tomber un grand bien. Car cela amènera à mettre en colère sa tribu, sa famille, et ses proches et ses alliés. وَبِنُفُورِ النَّاسِ إِذَا سَمِعُوا أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابًا. Et aussi cela amènera à faire fuir les gens lorsqu'ils vont entendre que Mohammed tue ses compagnons. Intaha. Et là se termine la parole de Ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala. Donc on s'arrêtera là, insha'Allah. Et subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant.